porte tous les jours dans le ventre de la terre. J'appelle au secours. Le claustro a besoin d'espace pour s'épanouir. Le claustro est noyé dans la masse, mais respect à fuir. Le claustro, le claustro, coincé dans l'ascenseur, sans espoir de retour. Je souffre jusqu'à l'heure où je pourrais revoir le jour. Le claustro a besoin d'espace pour s'épanouir. Le claustro est noyé dans la masse, mais reste prêt à fuir. Le claustro, le claustro. Pendant mon service militaire, j'aurais voulu être chasseur alpin, mais c'est devenu une vraie galère. Vu que j'étais dans un sous-marin, le claustro a besoin d'espace pour s'épanouir. Le claustro est noyé dans la masse, mais reste prêt à fuir. Le claustro, le claustro. Sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici, sortez-moi d'ici. Oui, mais pas tout de suite, on va attendre la fin du concert quand même avant de se barrer. Hein. Merci. Merci. Alors, au début du groupe, on avait, au début où on a commencé à jouer, on avait un petit principe, c'était une chanson, un métier. Donc, ça tombe sur les maîtres nageurs. Mais d'abord, j'aimerais bien boire un petit coup d'eau, si c'était possible. Merci.